Vol 467 Air France en provenance de Paris. Atterrissage sur l'aéroport de Gilo, île de la Réunion, à 12h30 heure locale. Aujourd'hui, le département français le plus lointain, situé à 10 000 km dans l'océan Indien, n'est plus l'île du bout du monde, mais un nouveau but de voyage pour un grand nombre de touristes. Le Cap Bernard semble monter la garde aux portes de la capitale, Saint-Denis. Savent-ils que la Réunion fut baptisée l'île des poètes ? La Réunion, ancienne île du monde, en a-t-elle pour autant perdu son charme secret et sa douceur de vie ? Tu m'as accueilli sur tes plages, là où la métropole m'a tourné le dos, en gros, là où j'ai tourné la page. J'ai connu la dodo, les litchis, les cocos. Mon corps abattu par la charrette, la fumée du gros poteau. J'ai traîné en savate, deux doigts, pour finir en cri tous les week-ends dans tes deux bois. Je me suis fait des copains, des copines qui te mettent bien. J'ai vécu ma première cuite et aussi la deuxième. Peut-être le début d'une chute, en tout cas je regrette rien. Tant qu'il y a de l'ambiance et que tu sais où la retrouver, ben t'y reviens. J'ai rôdé dans tes petits chemins, grand chemin. J'ai fait trempette dans ton grand bassin. J'ai couru dans le sable noir de l'étang, salé les bains. Goûter ton produit local, à le caler toussé au bord d'une ravine. Mater les trains d'atterrissage aux portes Sainte-Marie. Avec la clique du fibustier, plus là tu m'as dit. La folle bâtie quand n'a rouf, n'a plus plat de pilon, corne et tout. Nous la râle un coup train ensemble. Tu m'as offert ton littoral et même la lave de ton volcan. La folle bâtie quand n'a rouf, n'a rougaille, t'y carie bouchon, rien que pour nous. Fier d'avoir un peu toi dans le sang, manque à moins. Ton air marin dans le vent. J'ai marché dans l'œil de ton cyclone, Dina. Tu m'as montré ton décor là où tu vis ton paysage. J'en ai encore plein de souvenirs dans ce qui me sert de boîte à images. Je me vois en train de rapper entre dallons sur les planches du Copacabana. Dans ces soirées fiesta, préviens Banna que Luca y arrête pas de planer. Oh t'es mis apprécié, tirer un bon naf à plusieurs. À en perdre la notion de l'heure. Un type il plate, rhum, gingembre et j'improvise ton after. Sur une instru de Baster, ça part en freestyle, y'a que ça qui rend d'aster. Jusqu'à ce que je sois à plat, envoie-moi un Euromaster. J'ai fait preuve d'humour, tout comme j'ai eu mes changements d'humeur. Je me suis surpris à me réveiller sur un muret aux premières lueurs. Alcoolique, sueur, c'est vrai, je tournais mal. Tu m'as engrainé, à un rythme effréné. Dans un déclic, j'ai acheté le billet, et puis je t'ai quitté. Ce morceau, c'est pour toi, 974. Tu restes mes origines, 12 ans plus tard, nous l'a retrouvé. Et putain, ce que t'as changé. Mais tu restes la même, une fois le pied posé, y arrête pas, dis à moi, reste la même. Si, si, avec ce putain de refrain dans la tête. La folle bâtie quand n'a rouf, n'a plus de plat de pilon, corne et tout. Nous la râle un bout train ensemble. Tu m'as offert ton littoral et même la lave de ton volcan. La folle bâtie quand n'a rouf, n'a rougaille, t'y carie bouchon, rien que pour nous. Fier d'avoir un peu toi dans le sang, manque à moins ton air marin dans le vent. La folle bâtie quand n'a rouf, n'a plus. Plat de pilon, corne et tout. Nous la râle un bout train ensemble. Tu m'as offert ton littoral et même la lave de ton volcan. La folle bâtie quand n'a rouf, n'a rougaille, t'y carie bouchon, rien que pour nous. Fier d'avoir un peu toi dans le sang. Manque à moins ton air marin dans le vent. 974, Réunion, Saint-Denis, Saint-Denis, Saint-Denis, Saint-Philippe, Saint-Joseph, Saint-André, Saint-Denis. Les vents mondiaires, pleines de sables, d'eau, en bois, cirque, un réseau, animaux, Olympiades, vieilles.